Vous avez bien fait, vous avez bien travaillé. Bien. À quelques applaudissements de la foule. Très bien. Yeah.

We'll be right back. Panorama 80. around.